Chapitre 9e. 4 heures. Le jour vient, et avec ses premières lueurs, cet affadissement, cette détente de tout l'être dont l'écœurement parfois domine même le sommeil. La fièvre me réconforte. Je veux réfléchir encore. Que vais-je faire? Je me suis dénié le droit de meurtre et en même temps le droit du châtiment. Le crime commis est mien. J'en suis le complice, sinon le premier, le principal auteur. J'ai mal aimé. Je ne suis plus aimé. C'est justice. Je ne puis invoquer, même en mon fort intérieur, la loi qui, dans son esprit, sinon dans sa lettre, m'a imposé des devoirs que je n'ai pas remplis. Je vais m'en aller. Je vais abandonner tout ce qui ici représente mon passé, partir pour ne plus revenir jamais. Ainsi, en punissant la criminelle, je me punis moi-même. L'équité est sauve. Que ce soit ou non par ma faute, elle a brisé, la première, le lien qui nous enchaînait l'un à l'autre. Il ne serait pas juste que je souffris seul, même en tenant compte, et je le fais largement, de mes torts personnels. Je ne puis exiger de moi un verdict d'absolution complète. J'admets l'excuse, rien de plus. Au matin, au réveil, cette femme trouvera la maison vide. Je suis assez riche pour, emportant une somme assez forte pour me faciliter la reconstitution d'un avenir, laisser à sa disposition une fortune qui la mette à l'abri du besoin. D'ailleurs, il y a sa dot. Je vais en quelques lignes rédiger à l'adresse de mon notaire les instructions nécessaires. Où irai-je? N'importe où. En Amérique, en Australie. Je suis jeune encore, actif, vigoureux, et les péripéties d'une existence hasardeuse m'aideront à oublier. Plus tard, quand j'aurai cicatrisé mon cœur, je songerai au divorce. Mais elle? Eh bien, pourquoi m'inquiéter? Elle aime ce Robert. Elle sera sa maîtresse, en attendant qu'il puisse devenir sa femme. Cette attente, en une situation irrégulière, sera la peine subie. Je suis indulgent. Nul, je crois, ne pourrait me taxer d'impitoyable sévérité. Après tout, puisqu'il devait en être ainsi. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, je me mens à moi-même et je ne le veux pas. C'est avec des compromis de conscience que jusqu'ici j'ai perdu ma vie et la sienne. Il faut que je reste lucide et sincère jusqu'au bout. Ce Robert est un enfant, à l'esprit faible, à la conscience hésitante. Le jour où je l'ai fait entrer chez moi, ou m'étant montré sous le jour le plus défavorable, où devant lui j'ai manifesté plus que de l'indifférence, presque du dédain insolent pour ma femme, j'ai tendu à sa jeunesse, à ses naïvetés sentimentales, un piège auquel les plus forts n'auraient pas échappé. Je plaide sa cause. C'est inouï, c'est insensé. Et cependant, je suis saisi par un besoin de justice qui ne me laisse pas de trêve. Pour moi, en ce moment, il n'y a plus de sophisme possible. L'évidence me prend à la gorge et me force à crier la vérité. Qu'un de mes amis m'ait emmené chez lui, moi, à 25 ans, qu'il m'ait mis en face de sa femme, adorablement jolie, qu'il ait pris soin de bien m'indiquer que cette beauté, que ce charme lui était devenu indifférent, qu'il ait souligné par des signes, par ses jeux de physionomie, l'ennui qu'il éprouvait à être dans sa maison, qu'il m'ait avoué en ricanant qu'il était attendu ailleurs, qu'à des paroles soumises, presque suppliantes, il ait répondu par ses railleries qui blessent et qui tuent. Je n'aurais pas eu pitié de cette femme, je n'aurais pas éprouvé pour elle cette sympathie qui devient si vite de l'amour. Je ne lui aurais pas fait la cour. Et quand ce mari, entremetteur inconscient, m'aurait prié d'offrir le bras à sa femme, quand il aurait eu la sottise de me demander comme un service, comme une corvée, soit de l'accompagner au dehors, soit de passer la soirée avec elle, j'aurais gardé mon sang-froid, j'aurais joué les Joseph ou les Scipion, mais encore une fois ce n'est pas vrai. Est-ce bien d'ailleurs sur une hypothèse que je raisonne? Au moment où je présentais ce chérubin à ma femme, je le connaissais fort bien. Je savais sa sentimentalité presque enfantine, son poétisme fadasse, sa naïveté attendrie. Déjà, je l'avais apprécié tel qu'il est, impressionnable, tendre, romanesque. Est-ce que je me suis préoccupé de tout cela? Faut-il dire le mot horrible? J'étais content qu'il me débarrassât de ma femme. Et je m'aime imposer à sa délicatesse quelques obligations par lui consenties. Ai-je, par mon affection, par mon respect pour celle qui porte mon nom, posé devant lui des limites qu'il ne put franchir sans félonie? Peut-être a-t-il combattu cet amour, naissant lui par ma faute. C'est un timide, je le sais bien. Il manque d'initiative et d'énergie. Il s'est laissé aller au courant niaisement, lâchement, et le courant l'a entraîné. Moi parti, moi disparu, que se passera-t-il? Chez ma femme, le premier sentiment sera la stupeur. Je n'aurai pas cette ridicule vanité d'affirmer qu'elle m'aime encore. Mais dans les âmes des femmes, quelles qu'elles soient, le premier amour a jeté des racines trop profondes pour que la séparation ne soit pas un déchirement. Mais j'admets que, désespérée et affolée, elle se tourne vers celui qui désormais représentera pour elle tout l'avenir. Elle se heurtera à une autre stupeur. Lui, à son âge, avec sa situation encore incertaine, avec son inexpérience, se trouvait subitement avec charge d'âme, responsable du bonheur, de l'avenir, de la vie d'une femme. J'ai vu en pareilles circonstances les plus courageux devenir lâches. Si le premier mari que nous trompons nous disait brusquement « Vous aimez ma femme, je vous l'abandonne, prenez-la. » Nous nous enfuirions. Les femmes ne nous connaissent pas. Elles prennent pour or pur ces phrases toutes faites. « Vous consacrez toute ma vie, me dévouez à jamais à vous. » Conclusion, si on avait appelé les amants à voter pour ou contre le divorce, les 9/10 l'auraient repoussé. Donc cet homme ne sera pour ma femme ni un protecteur ni même un ami. Que deviendra-t-elle? Elle restera l'abandonnée, condamnée à l'éternelle solitude. Car je ne songeais pas à ceci. C'est elle-même qui chassera l'amant quand le mari aura fui. Elle aura horreur d'elle et de lui. Toute son honnêteté native remontera à son cœur, à son cerveau. Elle éprouvera d'épouvantables remords, elle se tuera. Ou bien elle vivra. Et sa vie lui sera un plus terrible châtiment. Seule, seule à 23 ans, seule avec sa beauté qui l'exposera à 1000 attaques, seule contre les conseils des amis corrompus, devant les exemples malsains, devant les stratégies masculines. Un jour peut venir où elle glisse, où elle tombe. Elle que j'entends encore, jeune fille, me dire « Promettez-moi d'être toujours mon amie et mon guide. » Elle qui, jeune femme, n'a vécu, n'a pensé, n'a respiré que par moi. Mais n'ai-je donc rien promis? N'ai-je moi-même, au jour du mariage, prêté aucun serment? Et je n'ai pas le droit de dire que ce n'était là que des mots. Oui, au fond de ma conscience, j'ai pris l'engagement de la protéger, de la défendre. Cet engagement n'aura-t-il donc de valeur que lorsqu'il n'y a pas lieu de l'exécuter? Est-ce donc être charitable que de changer de la menue monnaie contre une pièce d'or? Certes. Entre cette femme et moi, tout est brisé à jamais. Mais il est de mon devoir de la défendre contre elle-même, de l'arracher aux hideuses conséquences de la faute commise. Je le ferai. Comment ?